Chapitre 40e. Les deux docteurs échangent leurs malades. Le docteur Filgrave continuait ses visites au manoir, car Lady Arabella ne s'était pas encore senti le courage d'imposer silence à sa fierté et de rappeler le docteur Thorne. Rien ne plaisait plus au docteur Filgrave que ses visites. Il soignait de plus grands et de plus riches personnages que Lady Arabella, mais Greshamsbury avait pour lui la valeur d'un trophée enlevé à l'ennemi. C'était son rocher de Gibraltar, et il ne l'aurait pas échangé contre tout un comté. Un matin, au moment où il se disposait à partir avec ses chevaux de poste pour Greshamsbury, un laquais à l'air impudent et au nez de travers s'arrêta devant sa porte, car Joey avait encore le nez de travers. Joey n'avait pas ses lettres de créance, car son maître était à peine en état d'écrire un mot, et Lady Scatcherd s'était refusée à entamer de nouvelles relations avec le docteur Filgrave, mais il avait suffisamment d'effronterie pour s'acquitter de son message. « Êtes-vous le docteur Filgrave ? » demanda-t-il en portant un doigt à son chapeau à cocarde. « Oui, » dit le docteur qui avait déjà un pied sur le marchepied de la voiture, mais qui s'arrêta en voyant un domestique de si grand air. « Oui, je suis le docteur Filgrave. » « Alors vous allez vous rendre de ce pas à Boxall Hill avant d'aller partout ailleurs. » « À Boxall Hill ?» dit le docteur en fronçant le sourcil. « Oui, à Boxall Hill, chez mon maître. Mon maître est Sir Louis Scatcherd, le baronnet. Vous avez entendu parler de lui, je suppose. » Le docteur Filgrave n'était pas préparé à répondre à cet appel. Il remit pied à terre et, se frottant gravement les mains, il regarda la porte de son vestibule comme pour lui demander quelque inspiration. Un seul coup d'œil jeté sur son visage suffisait pour montrer que des pensées d'un ordre peu ordinaire s'agitaient dans son cerveau. « Eh bien, » dit Joey, qui voyait que le nom de son maître n'avait pas produit sur un docteur de province l'effet magique auquel il s'était attendu, et qui se rappelait la soumission qu'avait toujours montré Grayson, le médecin de Londres. « Eh bien, savez-vous que mon maître se meurt très probablement tandis que vous restez là debout ? Quelle est la maladie de votre maître ? Demanda le docteur Filgrave en examinant attentivement Joey et en continuant à se frotter les mains. « Qu'a-t-il ? De quoi souffre-t-il ? Oh, ce qu'il a ! Eh bien, à dire vrai, il prend de temps en temps une petite goutte de trop. Et alors il est dans les horreurs, dans les... je ne sais comment vous appelez ça. » « Ah oui, je sais. Et dites-moi, mon ami, qui est-ce qui le soigne ? Qui le soigne ? Mais moi d'abord, puis sa mère, c'est-à-dire Lady Scatcherd. Oui, mais quel médecin a-t-il ? « Mais il avait Grayson à Londres, puis... »« Grayson ?» dit le docteur d'un air surpris et dédaigneux. Comme si un nom si humble dans le monde médical n'eût jamais frappé son oreille. « Oui, Grayson. Puis là-bas, je ne me rappelle plus le nom de l'endroit. C'était Thorne. »« À Greshamsbury ?»« Oui, à Greshamsbury. Mais le baronnet et le docteur ne s'accordaient pas et depuis il n'a eu que moi pour le soigner. » « Je serai à Boxall Hill dans le courant de la matinée, ou plutôt vous pourrez dire que je m'y rends immédiatement. » Et le docteur ordonna au postillon de faire un détour qui lui permettait de s'arrêter à Boxall Hill en se rendant à Greshamsbury. « Il est impossible, se dit-il, que je sois traité deux fois de la même manière dans la même maison. » Il n'était cependant pas trop à son aise quand la voiture s'arrêta devant la porte du vestibule. Il ne pouvait s'empêcher de se rappeler le sourire de triomphe qu'il avait vu errer sur les lèvres de son antagoniste dans ce même vestibule, comment il était retourné sans honoraire à Barchester et combien peu il avait gagné dans l'estime du monde médical en refusant le billet de banque de Lady Scatcherd. Cependant, il avait aussi eu ses triomphes depuis cette époque. Il avait souri dédaigneusement au docteur Thorne quand il l'avait rencontré dans le village de Greshamsbury, et il avait pu dire dans une vingtaine de grandes maisons du comté que Lady Arabella s'était enfin vue forcée de se mettre entre ses mains. Il triompha encore lorsqu'il se trouva au chevet de Sir Louis. Quant à Lady Scatcherd, elle ne fit pas même acte de présence. Elle resta dans sa petite chambre et chargea Anna de conduire le docteur Filgrave auprès de son fils. Elle se contenta de lui jeter un coup d'œil furtif à travers la porte entrebâillée lorsque le craquement des bottes à haut talon de l'esculape l'avertit qu'il redescendait. Nous n'avons que fort peu de choses à dire de la visite faite par le docteur Filgrave à Sir Louis. Peu importait dorénavant que le baronnet s'adressât à Thorne, à Grayson ou à Filgrave. celui-ci le reconnut parfaitement lui-même. Il avait du moins assez de science pour cela, et assez de cœur aussi pour se dire qu'il eût bien volontiers laissé cette pénible tâche à d'autres confrères, voire même au docteur Thorne. Le nom que Joe avait donné à la maladie de son maître n'était certainement pas mal trouvé. Sir Louis était dans les horreurs. Si quelque père a un fils qui soit menacé de tomber dans le même vice que Sir Louis, qu'il le conduise au chevet d'un ivrogne en proie aux horreurs. Si ce spectacle ne le corrige pas, rien ne pourra y réussir. Le docteur Filgrave comprit bientôt quel serait le sort de son malade, mais il fit ce qu'il put pour le soulager. Là, dans une vaste chambre à coucher donnant au nord, se mourait misérablement Sir Louis Scatcherd. Là, dans une autre vaste chambre à coucher donnant au midi, était mort un an auparavant l'autre baronnet, tous deux victimes du même vice. C'est là qu'en était venue la prospérité de la maison des Scatcherd. Le docteur Filgrave partit enfin pour Greshamsbury. C'était une journée fatigante, et pour lui et pour ses chevaux, mais le plaisir d'enfiler à fond de train cette longue avenue était une compensation glorieuse. Le docteur Filgrave prenait toujours son plus gracieux sourire en approchant de la porte du vestibule et se frottait les mains d'un air de complaisance. À l'exception de Lady Arabella, il voyait rarement les autres membres de la famille du manoir, mais il ne tenait nullement à les voir, et quand il laissait la grande dame bien disposée et de bonne humeur, il était parfaitement content de prendre son verre de vin de Xérès et de s'asseoir seul devant la collation qui avait été préparée pour lui. Ce jour-là, cependant, le domestique le pria de passer immédiatement dans la salle à manger où il se trouva en présence de Frank Gresham. Lady Arabella s'était enfin décidée à faire demander le docteur Thorne. Il était donc absolument nécessaire que quelqu'un se chargeât d'en informer le docteur Filgrave. Ce quelqu'un devait être le squire ou Frank. Lady Arabella eût sans doute préféré un messager plus chaud partisan de sa cause, mais elle ne pouvait députer M. Gatsby auprès de son médecin, et de deux mots, elle choisit le moindre. « Docteur Filgrave, » dit Frank en lui serrant cordialement la main, « ma mère vous est si obligée de toute la peine que vous vous donnez pour elle, et nous vous en sommes tous si reconnaissants. » Le docteur répondit chaleureusement à l'étreinte de la main de Frank. Cette expression des bons sentiments de la famille à son égard lui était d'autant plus agréable qu'il avait toujours cru que le squire et son fils tenaient encore à ce pseudo-docteur, à ce demi-apothicaire qui demeurait dans le village. Cela dut vous déranger affreusement de venir de si loin. En vérité, les honoraires ne sauraient dédommager de tant de peine. Ma mère le sent bien. Cela doit vous prendre beaucoup de temps. Du tout, monsieur Gresham, du tout, dit le docteur de Barchester en se redressant fièrement sur ses talons. Une personne du rang de madame votre mère, je serais heureux d'aller la voir à n'importe quelle distance. Ah, mais nous ne pouvons pas le permettre, docteur Filgrave. Je vous en prie, monsieur Gresham, n'en parlez plus. Mais j'y suis forcé, dit Frank, qui pensait qu'il en avait fait assez pour la politesse, et qui désirait en venir enfin à son but. Le fait est, docteur, que nous vous sommes très obligés pour ce que vous avez fait, mais dorénavant, ma mère pense qu'elle pourra se contenter des soins qu'on trouve dans le village. » On avait prié Frank d'être très circonspect en mentionnant le nom du docteur Thorne. Aussi l'éluda-t-il adroitement. « Se contenter des soins qu'on trouve dans le village ? Que voulaient dire ces paroles ? Monsieur Gresham, peut-être que je ne... » Hélas, oui, il avait parfaitement compris ce que Frank avait voulu lui faire comprendre. Frank désirait être poli, mais il ne voyait pas la nécessité d'user de plus de circonlocution dans une occasion comme celle-là. « C'est d'après l'avis de Sir Omicron, docteur Filgrave, reprit-il. Vous savez que le médecin d'ici, et il fit un mouvement de tête du côté du village, afin d'éviter de prononcer le nom abhorré, connaît le tempérament de ma mère depuis tant d'années. Naturellement, monsieur Gresham, si on le désire... « Oui, docteur, on le désire. On va porter la collation. » Et Frank tira le cordon de la sonnette. « Je ne prendrai rien. Je vous remercie, monsieur Gresham. Je vous en prie un verre de vin de Xérès. Absolument rien, je vous suis très obligé. Ne voulez-vous pas qu'on donne un peu d'avoine aux chevaux ? Je partirai immédiatement, monsieur Gresham. Je vous remercie. » et le docteur partit en effet, acceptant cette fois les honoraires qui lui étaient offerts. Mais quoique Frank pût se charger de congédier le docteur Filgrave pour sa mère, il ne pouvait recevoir le docteur Thorne à sa place. L'amertume de cette entrevue était uniquement pour elle. Un messager avait été envoyé au docteur, et il était auprès de Lady Arabella, tandis que son rival recevait son congé dans la salle à manger. Lady Arabella se proposait d'atteindre deux buts, si cela lui était possible. Elle avait reconnu que les paroles hautaines ne réussissaient pas avec le docteur, mais lui serait peut-être possible de sauver Frank, s'il consentait à s'humilier. Si elle s'humiliait devant cet homme, se déciderait-il à reconnaître que sa nièce n'était pas une épouse convenable pour l'héritier de Greshamsbury? Le docteur entra dans la chambre où elle était couchée sur son sofa. S'avançant d'un pas lent, mais qui n'avait rien de contraint, il s'assit auprès de sa petite table, comme il avait toujours eu coutume de le faire, et comme si leur relation n'eût jamais été interrompue. « Eh bien, docteur, » dit-elle en s'efforçant de sourire, « vous voyez que je suis revenu à vous ?»« Ou plutôt que c'est moi qui reviens à vous, » dit-il. « Et croyez-moi, Lady Arabella, j'en suis très heureux. » Les excuses sont inutiles. Vous aviez parfaitement raison d'essayer ce qu'un autre médecin pouvait faire et j'espère que vous ne l'avez pas essayé en vain. » La grande dame avait voulu montrer de la condescendance, mais cela n'était maintenant plus en son pouvoir. Il n'était pas facile d'être condescendant envers le docteur. Elle l'avait essayé toute sa vie sans pouvoir y réussir. « J'ai vu Sir Omicron Pie, » dit-elle. « J'ai été charmée de l'apprendre. Sir Omicron est un homme de talent. » Et la belle réputation. Moi-même, je recommande toujours, Sir Omicron. Et il vous rend le compliment, dit-elle en souriant gracieusement, car il vous recommande aussi. Il a dit à M. Gresham que j'avais tort de me quereller avec mon meilleur ami. Ainsi, nous voilà de nouveau bons amis, n'est-ce pas? Voyez comme je suis égoïste. Et elle lui tendit la main. Le docteur la lui serra cordialement et l'assura qu'il n'avait aucun ressentiment contre elle. Tout cela était très bien. Mais Lady Arabella n'en sentait pas moins que le docteur avait l'avantage dans ses douces assurances de pardon, tandis qu'elle avait eu l'intention de le conserver au moins pendant quelque temps, afin que son humiliation eût plus d'effet quand le moment serait venu. Comme médecin et chirurgien, le docteur Thorne avait une assurance modeste, une tranquillité d'esprit qui inspirait la confiance à ses malades et qui manquait complètement au docteur Filgrave. Quand Lady Arabella eut répondu à toutes ses questions, elle se sentit plus à son aise qu'elle ne l'avait été depuis la rupture de leur relation. « Ne vous en allez pas encore, lui dit-elle. J'ai un mot à vous dire. » Le docteur l'assura qu'il n'était nullement pressé et qu'il ne demandait pas mieux que de rester et de causer avec elle. Y ajouta-t-il, « J'ai bien des excuses à vous faire, Lady Arabella. »« Des excuses ? » dit-elle en rougissant légèrement. « Allait-il parler de Marie ? » Allait-il avouer que lui, Frank et Mary étaient dans leur tort? Oui, en vérité, je n'aurais pas dû amener Sir Louis Catcher d'ici. J'aurais dû prévoir ce qui est arrivé. Oh, dit Lady Arabella d'un air assez désappointé, je l'avais oublié. C'est vous et M. Gresham qui avez eu le plus à en souffrir. C'est un infortuné, un malheureux jeune homme, avec une immense fortune en perspective, mais qui ne vivra pas pour la posséder. Et qui est-ce qui en héritera, docteur? C'était une question à laquelle le docteur n'était pas tout à fait préparé. « Qui en héritera ? » répéta-t-il. « Oh, quelques membres de la famille, je suppose. Il y a beaucoup de nièces et de neveux. »« Oui, mais sera-t-elle partagée ou passera-t-elle en entier à un seul ?»« Probablement à un seul. Sir Roger tenait à ne pas la morceler. » »« Si elle tombait en partage à une fille, » pensa Lady Arabella, « quelle excellente occasion pour Frank d'épouser une dot. » « Maintenant, docteur, je désire vous dire un mot. Nous nous connaissons tous depuis si longtemps qu'il vaut mieux, je crois, être franche avec vous. Ce refroidissement d'amitié entre nous et cette chère Mary nous a tous si vivement peinés. Ne pouvons-nous rien faire pour y mettre fin ?»« Que puis-je vous dire, Lady Arabella? Cela dépend entièrement de vous. » »« Si cela ne dépend que de moi, ce sera bientôt fait. » Le docteur s'inclina, mais il le fit sans roideur. Il y eut une certaine réserve. Béatrice est sur le point de se marier, vous le savez, docteur, et nous serions si heureux de revoir Mary au milieu de nous dans cette occasion. Pauvre Béatrice, vous ne savez pas combien elle a souffert. Oui, dit le docteur. « On a souffert des deux côtés, j'en suis sûr. »« Vous ne pouvez pas vous étonner de notre sollicitude pour Frank, docteur, un fils unique et héritier d'un domaine qui appartient depuis si longtemps à la même famille. » Lady Arabella porta son mouchoir à ses yeux, comme si c'est fait par eux-mêmes, eussent été très affligeants. « Oui, je voudrais que vous me disiez franchement, là, entre nous, ce que vous vous proposez de faire. Vous ne me trouvez pas déraisonnable. »« Ce que je me propose de faire, Lady Arabella. »« Oui, docteur, à l'égard de votre nièce. »« Vous devez avoir des projets quelconques, cela va sans dire. »« Il me semble que nous ne nous comprenons pas très bien. S'il en est ainsi, une petite explication entre nous peut tout arranger. » Jusqu'alors, et autant que le docteur avait pu en juger, Lady Arabella n'avait pas été précisément remarquable sous le rapport de la franchise. Mais ce n'était pas une raison pour ne pas répondre à une invitation aussi convenable de sa part. Il ne se refusait nullement à parler franchement, du moins c'est ce qu'il déclara. Quant à ses projets à l'égard de sa nièce, il se bornait tout simplement, dit-il, à la rendre aussi heureuse que possible tant qu'elle resterait avec lui et à lui donner sa bénédiction, car il n'avait rien d'autre à lui donner si jamais elle le quittait. Il faut avouer que le docteur n'était pas très franc sous ce rapport, pas plus franc probablement que ne l'était Lady Arabella elle-même. Mais quand on nous invite à parler franchement, nous nous tenons naturellement sur nos gardes. Les personnes les plus franches de nature sont alors très portées à user de ruses. Quand un homme vous dit « Allons, soyons francs l'un avec l'autre », vous sentez instinctivement qu'il désire vous exploiter sans rien risquer du sien. « Oui ?» dit Lady Arabella, « mais au sujet de Frank. » « Au sujet de Frank, » dit le docteur d'un air innocent qu'il fut presque impossible à Lady Arabella d'interpréter. « Voici ce que je veux dire, docteur. Pouvez-vous me donner l'assurance que ces deux jeunes gens n'ont pas l'intention de faire quelques coups de tête? Un mot de votre part suffira pour me tranquilliser à ce sujet. Et alors nous pourrons de nouveau être si heureux ensemble. » « Mais qui peut répondre des coups de tête que fera un jeune homme ?» dit le docteur en souriant. Lady Arabella se leva en poussant la petite table qui était devant elle. Cet homme était faux, hypocrite, rusé. On ne pouvait rien obtenir de lui. Tout le monde conspirait contre elle pour lui enlever son fils, pour lui faire épouser une femme pauvre. Que devait-elle faire ? À qui s'adresser pour obtenir des avis ou des conseils ? Elle n'avait plus rien à dire au docteur. Il s'en aperçut et prit congé d'elle. Cette tentative pour amener une explication franche avec lui ne lui avait pas réussi. Le docteur Thorne avait répondu à Lady Arabella comme il l'avait jugé le plus convenable dans le premier moment. Mais il était loin d'être content de lui. Tout en s'éloignant à travers les jardins, il se demandait s'il ne vaudrait pas mieux pour tout le monde qu'il se décida à parler franchement. Qu'il révéla au Squire l'avenir probable de Mary, le laissant libre de consentir ou non à ce mariage. Mais ne serait-ce pas en quelque sorte dire à son ami « Voici ma nièce, voici la jeune fille dont vous vous préoccupez depuis plus d'un an sans égard pour tout ce qu'elle a eu à souffrir de votre part. La voici, riche héritière selon toute probabilité. Il vaut la peine que votre fils attende quelque temps et qu'il ne la rejette pas avant de savoir à quoi s'en tenir. S'il arrive qu'elle soit riche, « laissez-la lui épouser, sinon il peut l'abandonner plus tard aussi bien qu'aujourd'hui. » Le docteur ne pouvait se décider à mettre sa nièce dans cette position. Il voulait bien qu'elle épousât Frank Gresham, car il aimait Frank. Il voulait bien qu'elle fournît à son mari le moyen de racheter le domaine de ses pères. Mais quoiqu'il pût la trouver inopinément riche, Frank était tenu de la prendre pendant qu'elle était pauvre. Puis il se demandait aussi s'il avait bien le droit de parler du testament de Sir Roger. Il détestait presque ce testament pour tout le mal et l'inquiétude qu'il lui avait donné. Il n'en avait encore parlé à personne, et il résolut d'observer la même discrétion tant que Sir Louis serait encore de ce monde. À son retour chez lui, il trouva un billet de Lady Scatcherd qui l'informait que le docteur Filgrave était revenu à Boxall Hill et que cette fois il en était reparti sans colère. « Je ne sais ce qu'il a dit au sujet de Louis, » ajoutait-elle, « car à vous parler franchement, docteur, je redoutais de le voir. Il revient demain, et je serai plus courageuse, mais je crains que mon pauvre garçon ne soit bien malade. »